mother, could be your sister, could be your brother, could be a fireman, could be a Turk, could be someone looking for work, could be a kid, could be the old car, could be a Vietnam vet with no arms, no legs, could be a saint, could be a sinner, could be a loser, or could be a winner, could be a banker, could be a baker, could be a lady, could be Kareem Abdul-Jabbar, could be a male voice squad, could be a lover, could be a fighter, could be a super heavyweight, or it could be something like, could be a cripple, could be a freak, could be a wild gookie, could be a cop, could be a thief, could be a family tent living in one room on relief, could be all leaders in their concrete tomb, with their tenfold and their silver spoon. Could be the pilot with a gun on his side, could be the kid in the middle of the bomb site, could be a fanatic, could be a terrorist, could be a dentist, could be a psychiatrist, could be humble, could be proud, could be a face in the crowd, could be the soldier in the white cravat who turns the key in spite of the fact this is the end of the cat and mouse who dwelt in the house with laughter and laughter, tears and spit, the house that Jack built, where the laughter rang and tears were spilled, the house that Jack built. Bang, bang, shoot, shoot, white glove thumb. I will be done. He was always a good boy, his mother said. He'll do his duty when he's grown. Yeah, everybody got someone they call home. Okay. They press the button, Bill? What button? You mean the button? Goodbye. Oh, yes. This ain't au revoir. It's goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français? Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir mes amis, comment ça va? Attendez un peu là, ça va bien? Moi aussi, moi aussi. Oh, le temps passe, hein? Oh, puis là, le son me dit que je plafonne, je plafonne. Attendez un peu. Est-ce que je plafonne comme ça ou je plafonne comme ça? Mais non, c'est pas la musique, c'est mon son. C'est ma voix, c'est bien ça. Oh, alors, on va déplafonner. Oh, là, c'est, ouais, c'est moins intéressant. Hein? Trouvez-vous? Même si je crie. Ma voix est un cri venu d'ici et pas d'ailleurs. Et pas d'ailleurs. Et pas d'ailleurs. Et pas d'ailleurs. Et pas d'ailleurs. Un, deux. OK, parfait. Aimez-vous ma voix crunchy? Et qu'est-ce que tu veux dire par crunchy? Ben, cassante. OK, pour toi, cassant, c'est crunchy. Écoute, si tu poses trop de questions, tu vas devenir crunchy. Cassant? T'es très cassant. On va te casser ça en deux, mon champion. Pas compliqué, moi, là, là. Je vais pas compter plus que deux. Fait que moi, je coupe dans le milieu. Et puis, on parle pas. On coupe, après ça, on parle. Pardon? Oui, ça va, vous? Oui. Ah, le petit dernier. Ah, oh, bon... Mal dedans. Mal dedans, puis... moi, je trouve ça étrange. J'en ai parlé à ma femme. J'ai dit « femme ». Je t'aime, femme, je t'aime. Non, j'ai dit femme, elle sait que je l'aime, voyons. Donc, j'ai pas besoin de dire, là. C'est écrit noir sur blanc sur notre... non, pas de naissance, non, notre... pas baptême non plus. Notre extrait de mariage. C'est un extrait. Ah oui, moi, j'ai dit, on n'ira pas plus loin. Tu sais, on va dresser les grandes lignes de notre amour et on va se souhaiter le meilleur pour nous deux. Et surtout, la durabilité, hein, la durée de notre amour sera à l'image de l'intensité que nous y porterons. Elle a pleuré, elle a pleuré. Elle dit, je comprends pas tout ce que tu viens de dire là, mais c'est tellement beau. Ben, j'ai dit, pourquoi tu trouves que c'est beau si tu comprends pas tout? Non, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui me coupent les oreilles. Ah! Alors, ah, tu m'émeus, là, je ne sais plus quoi dire. Je suis comme une Amazone prise dans l'océan de tes baisers. Oh, c'est bien ça. Ah, mais c'est à force d'habiter avec toi, hein. Puis là, elle commence à me dire que sans moi, ce serait peut-être mieux, mais comme elle ne connaît pas autre chose, elle pense qu'elle a, puis même si je suis moins que rien, que je ne m'améliorerai jamais, mais c'est pas grave, le divorce peut arriver, puis en plus, on va tout diviser, il n'y a pas de problème, hein. Tu peux garder tes cochonneries, moi je vais prendre les meubles qu'on vient d'acheter, puis non, tu es à l'image de cette superficialité là, actuelle, puis moi je comprends tout ce que tu viens de dire là. Puis on dirait que ça vient du fond de ton cœur. Mais on va persévérer. On va travailler très fort pour enrichir notre amour. Ça, c'est comme un jardin. Vous savez que là, on est au mois d'avril. Vous ne saviez pas? Pensez, vous étiez quel mois, vous, là? Mois de mars. Ben, c'est 2 mois après. Pas compliqué, ça, là. Mars, prenez vos doigts. Vous avez combien de doigts, vous? Vous en avez 10? La majorité en ont 10, et puis j'ai absolument rien contre les gens qui en ont 4, 3. On fait avec ce qu'on a. Gardez-moi, Reynald de Gagné, votre réanimateur d'errance reynaldienne, et le pire animateur de CKRL quand même, mais j'ai quand même ma plage horaire, j'ai quand même mon mot à dire, même si j'ai rien à dire, j'ai quand même de la musique à diffuser. Bon, là, on va dire que c'est de la facile, celle-là. Là. Ce qu'on vient d'entendre, là, puis pendant toute la soirée, c'est de la facile. C'est extrait du même disque, du même auteur, compositeur, interprète, un ancien membre d'un groupe mythique, exagérément mythique. Oui, pour moi, là, ce groupe-là, surtout avec celui qui suit, hein, le chanteur qu'on vient d'entendre, parce qu'il y a un avant puis un après. Puis là, je dis pas les noms, je dis pas le groupe. Si vous connaissez pas ça, c'est pas mon problème. Ah, il est pas gentil, ça, aujourd'hui, hein? Il s'est levé du mauvais pied. Non, mais je veux dire que depuis quelque temps, j'ose même pas me placer un pied à terre. Donc, je me laisse tomber. Et là, j'ai un nouveau lit. Un lit, là, que tu peux plier, déplier, hein? C'est comme l'arbre. Oui. Un peu plié, un peu moins déplié. Mais ça, c'est pas un arbre un peu moins déplié. L'arbre, c'est un peu plié. Un peu plus haut, un peu plus loin, c'est pas un arbre. Ça, c'est une chanson. Ben, c'est mélange. Hein? Je te dis, pourquoi on n'est pas dans la facilité? Parce que c'est pas assez compliqué. Ça, demandez ça à ma femme actuelle, mais à ma dernière femme. J'ai divorcé. Heureux. Parce qu'on s'aimait, mais on s'aimait d'une manière non conventionnelle. Puis quand c'est pas selon les normes, ça peut déranger tes voisins. Parce que moi, là aujourd'hui, j'ai les moyens, j'habite dans une maison, pour ne pas dire une suite, hein, avec un terrain immense, où j'ai décidé d'adopter des lamas de Sibérie et des chanteuses d'opéra de Marcel Pagnol. Et les chanteuses d'opéra de Marcel Pagnol, là, ça, c'est un nouveau chat. Non, c'est pas vraiment des... Mais non, on a un respect pour le genre humain. Mais non, c'est des chats qu'ils ont modifiés par les miracles de la technologie. Donc, c'est 100%... Non, c'est pas du tout naturel. Ah, non. C'est comme mon avant-dernière femme. Rien de naturel. Tu la regardes, là, le sourire n'est pas naturel. Non. Les mots ne sont pas naturels. Ses cheveux ne sont pas naturels. Puis là, j'avais le goût de lui dire, là, quand je l'ai rencontrée la dernière fois, parce qu'on était prendre... Elle prenait une petite tisane. Moi, une grosse bière. C'est une grosse bière, pas une petite tisane. C'est doux, une petite... Moi, c'est une grosse bière. Hein? Non. Moi, pas une part québécoise, c'est pas loin, là. Une bonne Scotch Ale. Puis là, je m'en vais voir le gars. Je dis, pour madame, c'est une tisane. Non, une petite tisane. Ben, j'ai dit pour elle une petite tisane. Pour moi, une grosse bière. Il dit, la grosse bière, ça serait quoi dans le calcet? Oh, venez d'où, là? Je viens de Nashville. Oh, Nashville, Tennessee! Il dit, ben oui. Et il dit, il n'y a pas d'eau de Nashville, là. Ben oui, ça peut être Nashville-Limoilou. Si vous ne savez pas où se trouve Nashville-Limoilou, attention, là, je vais vous apprendre quelque chose, là. C'est pas tout le monde qui sait ça. Ça va paraître dans les journaux de la semaine prochaine. Puis les gros titres, grâce à Rénal Gagné, d'Errance Rénaldienne, nous avons trouvé le Nashville-Limoilou qui se situe. Attention. Avez-vous votre crayon, votre papier? Allez pas sur votre ordinateur, là, taper Nashville-Limoilou sur Google Maps. Ça fonctionne pas parce que c'est un peu comme les souterrains quand vous allez à Paris, il y a des souterrains. Il y a une vie underground, pas juste underground, en haut, puis il y en a aussi en bas, près de la croûte. Là. Moi, je dis, le noyau est pas loin, là, et puis il est très noué. Mais tout ce qui se passe en bas, là, c'est vrai, il y a des catacombes, il y a des... Oui, c'est merveilleux! Il y a des gens qui font des... oui, on peut visiter. Mais je vous le conseille fortement de faire ça de vous-même. Si vous connaissez quelqu'un, c'est encore mieux. Il y a des groupes underground, même le légendaire groupe. Et vous pouvez entendre ça. Noir Désir a commencé dans les catacombes, dans les sous-sols underground de Paris. Le groupe Noir Désir vient de quel endroit en France? Le savez-vous? Ah, mon Dieu, ça vient de Nashville-Paris. Non, il n'y a pas de Nashville à Paris, c'est juste Nashville. Hein? Nashville, Tennessee ou Nashville, Limoilou. Ah, mais voyons donc, oui. Nashville, Paris, ça n'existe pas. Non, le groupe Noir Désir vient directement de Lyon. Lyon, pas L-I-O-N, L-Y-O-N. Nous battes-tu pour des imbéciles? T'es en train de nous traduire et de nous épeler tous les mots. On connaît ça, nous autres, Lyon. Avez-vous déjà visité? Non, mais par mes pensées, j'avais des vilaines pensées. Ah, mon Dieu, une fois j'avais franchi Lyon, je me demandais quelle personne pouvait habiter là-bas. Donc, j'ai fait, je sais pas, un transfert de, oui, cellulaire. Pas le téléphone, là, mais les cellules en nous. Parce que nous avons des cellules. Oui, Gaétan Brisebois. Mais oui, médium extra-large. Je peux vous catapulter où vous voulez. Moi, je connais tout le langage des signes, le langage des morts, le langage de l'au-delà. Parce que les morts et l'au-delà, c'est pas la même chose. Tu meurs, après, tu vas dans l'au-delà. Mais il faut pas non plus tomber dans la facilité. Et puis aussi, j'ai fait une maîtrise. Et là, je m'en vais je m'en vais dans quelque chose de plus sérieux que la maîtrise. Avez-vous le temps de m'entendre? Même si vous pouvez regarder, je peux... Non, écoutez, regardez-moi pas, on est à radio. Vous pouvez examiner votre radio. Là, vous allez voir que lorsque vous n'aurez pas le regard dessus, elle va se promener partout dans votre appartement. Et là, je parle de la radio et du son. C'est pour ça que jetez toujours un œil dessus. Ça va éviter qu'elle se promène. Pas beaucoup de monde qui dit ça, là, puis qui connaissent ça, cette affaire-là. C'est juste moi, là! Ça prend une émission comme ça pour apprendre des choses, hein? Ah, mais ça, c'est de la divulgation. Ça me fait plaisir de vous apprendre des choses qui sont pararénales. Parce que dans la vie, on est très pararénal. Faudrait que je vous explique ce qui m'est arrivé. C'est moi, Rénal Gagné, actuellement. Là, le personnage est parti. Cette semaine. Mais ça ne m'avantage pas. Il n'y a pas grand-chose qui m'avantage, là. À part la lemure est prête. Placez ça dans l'eau tiède. Attendez 3 semaines. Si vous voyez un arbre pousser, criez Alléluia, Alléluia. Entaillez-le. Mettez une très petite chaudière, parce que l'arbre ne sera pas très gros. Si vous en mettez une grosse, l'arbre va tomber, la chaudière va percer. Vous allez vous faire, parce que ça brûle le bois franc, ça. Oui, c'est du sirop. Ah, ben attention, hein? Là, vous aimez ça, hein? ça vous intéresse, hein? Ben, ça m'intéresse. Comment ça avoir un peu peur? Je regarde ma radio, j'écoute, puis je sais pas tout quoi faire en même temps, puis c'est où Nashville, Limoilou, puis il y a plein de zones grises. Les zones grises, monsieur. Mademoiselle, vous pleurez, je sais, je vois vos larmes. Vos lèvres frissonnent. Attendez-vous le baiser universel d'un extraterrestre qui sortira du noyau pour vous dire... Attendez-vous ça? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Comme disait, c'est une phrase que je dis souvent, parce que je radote, Bobby Lapointe, comprendre qui peut, comprendre qui veut. Allô? Oh, les intros. Nous sommes là. This is KAOS. Oh. You and I are listening to Chaos in Los Angeles. Let's go to the telephones now and take a request. Yes. You hear radio waves in your head. song called Radio Waves. You're listening to Chaos in Los Angeles. And we've got Billy on the line. On n'est pas les... on n'est pas Los Angeles. Comme je le disais, moi, je suis un pilote. Oh, un pilote, oui, mais un pilote de quoi? Un pilote, pas de brousse. Parce que là, je sais qu'il y a des auditeurs très curieux. C'est quoi, Irel, le Rénal, le réanimateur, m'a dit que... Il se passait des affaires avec son audimat, son public, sa cartouche amoureuse. Sa cartouche amoureuse, ben oui, ça c'est tout le monde qui l'écoute. C'est comme des projectiles qui lui pénètrent en plein cœur. Eh mon Seigneur, pénètrent en plein cœur, des cartouches. Ouais, et puis moi, là, je suis pilote. Oh, arrête de le dire, là. On t'a appris ça? Non, on m'a robotisé. Je veux simplement vous dire, dans des mots très concis et très faciles, là, pas très compliqués. Quand c'est facile, c'est pas compliqué. Hein. Je suis, on va, oui, je sais, un prisonnier des nuages. Moi, on va vous raconter pourquoi. Mais moi, je suis un professionnel. Il y a pas des... Non, on peut pas étudier là-dedans. On peut tomber là-dedans, mais on peut pas étudier là-dedans. Mon but, c'est de partir de la... On va dire à l'aéroport de Québec. Mon avion est là. C'est un avion traditionnel. Tu sais, des moteurs, puis des ailes, puis je peux même inviter... Ben, le plus important, c'est d'avoir des prisonniers. C'est pas des prisonniers. C'est des autres, même pas des autres. Ben, des auditeurs, oui, parce qu'on diffuse uniquement CKRL chez nous. Ah oui. Parce que ça aide à monter. Le quotient intellectuel, ça aide à monter le quotient intellectuel, puis je tiens à vous dire fortement là, que toutes les autres radios, ça descend. À part quelques radios d'État, Radio Sainte, je vais pas me mêler là-dedans, moi, Radio Sainte, moi, j'ai rien contre. Tu sais, je veux pas arriver en haut des nuages, puis me faire garocher en bas. Ça fait que moi, j'amène des passagers, on appelle ça des passagers. Pas compliqué, les passagers, là. Parce qu'on est de passage, comme dans la vie, tu sais. Et puis, je les invite à monter avec moi. Oui, des invités. Puis là, on descend. Puis on descend sur les nuages, pas sur la terre. Puis là, on se promène. Comme à Nashville, les moulots. Oui, ou à Nashville, Tennessee. Vous avez des où vous pouvez errer. Je vous conseille d'errer. En écoutant, parce que en haut, là, on a mis des enceintes acoustiques. Puis, vous savez pourquoi, nous autres, c'est les nuages, mais vous savez pourquoi au ciel, il n'y a pas de... pourquoi que Jésus n'a pas de haut-parleur? Ben non, parce que Jésus-Christ. Jésus-Christ! OK, les nuages, il n'y a pas de gag de même. Ah non, nous, là, on réfléchit, on essaie de voir, puis on franchit des sentiers que personne n'a vu de leur vie. Ils n'ont même pas mis le pied sur un nuage. Puis essayez pas ça dans votre salon, là. Étalez pas de la guimauve ou de la crème fouettée. Oui, je vous conseille la crème fouettée, mais sur votre partenaire amoureux. La guimauve sur le nombril de votre partenaire amoureux. Tout sur votre partenaire. Mais rien. Les nuages, c'est un endroit précis où tout peut arriver. Et quand je vous dis tout, c'est tout. Tout. Puis même, attention. Si vous êtes tête en l'air, comme le chantait Jean Cugelin, si vous êtes tête en l'air, amoureux, puis vous ne voyez pas le trou qui manque là, dans le nuage, vous allez tomber directement. Vous allez tomber du ciel. Tomber du ciel à travers les nuages, quel heureux présage. Un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu. Volage, ancien tueur à gages, comment peut-on tomber plus mal? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, par les anges du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard. Ciel, comme remêlage. Non, c'est tomber du ciel à travers les nuages. Si je vous dis Roger Waters, c'est le Roger Waters ce soir. Puis c'est l'ancien chanteur du groupe Pink Floyd. Pink Floyd qui était extraordinaire avec Roger Waters, beaucoup moins bon avec l'autre. Ça, c'est personnellement, là, ça vient de ma tête, pas de mon cœur. Mais ça vient de ma tête, mon cœur. Et surtout, de savoir que ce groupe-là, là, il est surévalué. Ah oui, ça. Frank Zappa, que je ne fais pas jouer souvent. Faudrait. Bon, Frank Zappa, un hommage à m'en donner à Frank Zappa. Je me le conseille fortement de vous diffuser du Frank Zappa. Parce que ça. Puis là, dans le ciel, quand vous êtes là, puis que là, vous tournez en rond, croyant que ça va user le nuage ne s'use jamais. Pensez que j'allais dire ne se s'use? Non. Ne se s'user, c'est Gaétan qui fait ça sur le nuage. Elle se s'use à s'user. Ah, tu voulais. Elle tournoie, hein, avec. Elle fait l'aspirateur. En beau aussi, elle fait ça, mais c'est plus payant. Et puis. Non, mais c'est comme ça. Et puis, la belle douce, quand elle redescend sur Terre, après un de mes voyages, elle est une autre personne, comme 95% des hôtes et des hôtesses qui prennent place dans mon avion et qui revient, qui se refixe sur Terre. C'est pas le même monde. C'est pas le même oxygène. C'est pas la même air. C'est pas... Tu sais, en haut, tout est permis. En bas, ben là, il y a la loi. Il y a le fisc. Et quoi d'autre encore? Donc, je vous conseille, si vous voyez le pilote là, que je vous avais amené au début, là, puis qui est plus là, qui est parti en cours d'improvisation, ça part, ce monde-là, comme ça, ça monte comme ça descend. Un peu comme la vie, un peu comme la chance, un peu comme l'amour. A tough game, no rules. Some you win, some you lose. Competition good for you. The day to be free. The powers that be. They like a bomb-proof Cadillac, air-conditioned old tech, backseat gun rack, platinum hubcaps. They pick horses for courses. They're the market forces. They like order, makeup, limelight, power, game shows. Star Wars TV. They're the powers that be. If you see them come, you better run. You better run. Hey. You better run on home. You better run. You better run. Run. You better run on home. Sister Mercy, better join with your brothers. Put a stop to the soap opera right now. They say the toothless get ruthless. You better run. And stinks. They like fear and loathing. They like sheets, clothing. Black top bands. Black top bands. Contingency plans. They like death or glory. They love a good story. They love a good story. Sisters of mercy, better join with your brothers. Je veux rendre hommage à Louisette Dussault, qui n'est pas seulement la souris verte, qui a été une comédienne, une dramaturge, une écrivaine, une femme qui réfléchissait sur son monde et sur sa condition de femme. Mais pour moi, en 69, ce disque-là m'a réveillé et m'a fait fredonner tellement de beaux souvenirs. Alors voilà, Louisette Dussault, ma petite souris verte. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 5 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 belettes et une souris. Une souris verte. Bonjour. Connais-tu, toi, ma chanson de Pâques? Elle commence ainsi. Ta-la-la-la-la-la. C'est la flûte qui me l'a apprise un jour de printemps. Oui. As-tu vu la flûte de Pâques qui chantait, chantait au petit matin? J'ai vu la clochette, clochette de Pâques qui sonnait, sonnait dans tous les jardins. Flûtes et clochettes, bourgeons et fleurettes, Pâques est revenu, l'avez-vous vu? Réveille-toi, coccinelle! Le beau temps reluit sur ton dos! Allez, allez, ne reste pas là. Blotti dans l'encoignure de ma fenêtre, là, c'est vraiment ridicule par un jour pareil. Allez, sors tes antennes, décordis tes pattes, secoue tes ailes et viens voir. Oh, où il est parti? Où est-elle passée? Je ne la vois plus. Coccinelle? Coccinelle? Où es-tu, petite bête à bon Dieu? Ah, là, je la vois. Elle trottine sur la vitre. Oh, elle s'accroche au volant de mon rideau maintenant. Oh! Oh! Elle est repartie. Un petit tour, un petit saut, un arrêt et un coup d'aile. Demoiselle Coccinelle veut s'envoler au ciel. Mais avec mes deux mains, vite, vite, je la retiens. Car elle est trop jolie pour partir d'ici. Venez, venez voir la bête à bon Dieu avec ses points noirs sur son dos bombé. Un petit tour, un petit saut, un arrêt et un coup d'aile. Demoiselle Coccinelle veut s'envoler au ciel. Mais avec mes deux mains, vite, vite, je la retiens. Car elle est trop jolie pour partir d'ici. Venez regarder la bête à bon Dieu qui s'est arrêtée sur le bout de mon pied. Ha! Un petit tour, un petit saut, un arrêt et un coup d'aile. Demoiselle Coccinelle veut s'envoler au ciel. Mais avec mes deux mains, vite, vite, je la retiens. Car elle est trop jolie pour partir d'ici. Oh, venez donc toucher la bête à bon Dieu qui s'est endormie sur mon petit lit. Un petit tour, un petit saut, un arrêt et un coup d'aile. Demoiselle Coccinelle veut s'envoler au ciel. Mais avec mes deux mains, vite, vite, je la retiens. Car elle est trop jolie pour partir d'ici. Ah, ici? Ah, ici, c'est ma chambre. Oui. Voilà mon lit, ma courte pointe. Ça, c'est mon bureau. Mon plafonnier, là-haut. Mon coffre à jouets, ma tirelire et mon imagier. Quand le jour se couche, ben moi, j'en fais autant. Mais avant, je range mes affaires. Hein, et je me débarbouille. Oui, oui, oui. Oui, oui, oh, l'eau est chaude. Oh, ça alors. Oh. Vive l'eau qui gloute, gloute, gloute. Vive l'eau qui coule. Vive l'eau qui dégoutte, goutte, goutte. Vive l'eau qui mouille. Oh là là. Oh, il fait froid maintenant. Oui, c'est froid. Vive l'eau qui gloute, gloute, gloute. Vive l'eau qui coule. Vive l'eau qui dégoutte, goutte, goutte. Vive l'eau qui mouille. Ah, ben ma toilette est terminée maintenant. Ça va suffire pour ce soir. Après la chemise de nuit et le plongeon dans le lit, la nuit arrive doucement, sans bruit.

Oh non, et dès le matin, on voit des gens très affairés qui se rendent au bureau, à l'usine, au magasin, à la banque. Tu entends? Ça, c'est un train qui démarre. Crois-tu qu'il fonctionne tout seul? Ah non! Bonjour, monsieur le conducteur! Tu sais, il faut quelqu'un pour faire marcher cette grosse locomotive diesel sur la voie ferrée. Oui, c'est monsieur le mécanicien. Oui, oui. Bon voyage, monsieur le mécanicien! Bon voyage! Tchou tchou tchou tchou, le train s'en va. Il file, file, file de ville en ville. Cliqueti, cliqueti dans la campagne. Cliqueti, cliqueti dans la montagne. Tchou tchou tchou tchou dans le tunnel. Et cru, cru, cru, cru, cru, cru de gare en gare. Cliqueti, cliqueti passe le pont. Cliqueti, cliqueti et file donc. Cliqueti, cliqueti, cliqueti, cliqueti, cliqueti, cliqueti. Tu sais ce que c'est ça? C'est le bruit que font les roues du train en tournant sur les rails. Mais oui! Sans roues, les trains, ils pourraient pas marcher. Sans roulettes, le monde n'irait pas loin, tu sais. As-tu déjà songé au nombre de roues qui tournent un peu partout sur la Terre? Tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. Tourne la roue du manège, tourne la grande roue. Tourne les roues de la bicyclette, tourne les roues du métro. Tourne les roues des automobiles, tourne les roues des avions. Tourne les roues de toutes les machines, tourne les roues de toutes les machines. Les roues d'acier, les roues de bois, les roues de plomb et les roues de carton. Une, deux, trois, quatre. Il y a quatre roues sous l'automobile. Oui, oui. Quatre roues enveloppées de caoutchouc et qu'on appelle pneus. Ce ne sont pas les pneus qui font du bruit dans une automobile. Oh non, ce qui fait du bruit, c'est le... C'est ça, le klaxon sur lequel on appuie. C'est aussi la... La portière qu'on ferme. Ou le... Voilà, le moteur qui démarre. Ce qui fait plaisir dans une automobile, c'est démarrer. Avancer. Reculer. Faire des virages de côté, là, de l'autre, freiner, accélérer, accélérer, accélérer, accélérer, accélérer, accélérer, bouger, quoi. J'aime les autos, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient rouges. J'aime les autos, car elles bougent. Elles ont quatre pieds ronds, un volant, un klaxon, deux phares lumineux, deux ailes et des pneus. J'aime les autos, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient rouges. J'aime les autos, car elles bougent. Elles ont des numéros, d'immatriculation, un chauffage, un air chaud et une radio. J'aime les autos, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient rouges. J'aime les autos, car elles bougent. Elles ont des démarreurs, un gicleur, un moteur, un cerveau, direction et 56 boutons. J'aime les autos, qu'elles soient jaunes, qu'elles soient rouges. J'aime les autos, car elles bougent. Oh, oh que de bruit. Oh, que de bruit au centre de la grande ville. Oh, et ça bouge. Oh, les rues sont pleines d'autos, de taxis, de camions, d'autobus, de motos. Ah, voilà. Heureusement, monsieur l'agent de la circulation met un peu d'ordre dans ce brouhaha de véhicules et de piétons. Ce qui attire tous ces gens-là, au centre de la grande ville, ce sont les bureaux, les restaurants, les théâtres, les magasins. Ah oui, mais surtout les grands magasins. Tu connais les grands magasins rayons, hein? Ils sont pleins de vêtements, de meubles, de jouets, de lumière, de musique. Le magasin à rayons est rempli, rempli jusqu'au plafond de jouets et de vêtements, de bonbons et de rubans, des tambours, des castagnettes, des ballons, des savonnettes, des toupies, des patinettes, des turlurons, turlurettes, des commis bien mis, des clients contents. Bonjour et merci, revenez souvent. au rayon des cadeaux d'un grand magasin, sais-tu ce que j'ai vu l'autre jour? Un phoque et un ours polaire. Ils n'étaient pas vivants, bien entendu. Oh non, ils étaient sculptés dans de la pierre. Ce sont des sculptures esquimaudes, m'a dit la vendeuse. Et j'ai regardé longtemps, longtemps, un magnifique petit kayak dans lequel était assis un esquimau. Il tenait une pagaie à deux mains, là, comme ceci, tu vois. On aurait dit qu'il était sur l'eau. Yak, yak, yak, dans son kayak, le esquimau s'en va sur l'eau. Yak, yak, yak, dans son kayak, jamais il ne tombe à l'eau. Yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak. Yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, dans l'oumiak, la famille s'en va sur l'eau. Yak, yak, yak, dans l'oumiak, jamais elle ne tombe à l'eau. Yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak. Yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak, yak. Eh oui, tout en douceur, tout en tendresse, tout en humanisme, mon amie Aïcha Touré, auteure, compositrice et interprète, la talentueuse Aïcha Touré. Na bien dit, na bien dit. Hey, mais je te vois sur Internet, ah, ça va très bien de ton côté. Oui, oui, oui, ça va. Ça va. Ton disque est bien accueilli. Ça va, ça va, ça va. Hey, oui, oui. Mais c'est surprenant. C'est correct. De voir, ben, en fait, non, c'est pas si surprenant que ça parce que tu travailles aussi. Ben alors, je sais pas. En même temps, oui, c'est bien accueilli. En même temps, enfin voilà, je sais pas quoi dire. Okay. Pourquoi? C'est parce que tu croyais avoir plus de retours? Oui. Oui, oui, on croit toujours plus. Ouais, on veut, ouais. Je sais pas, on veut toujours un peu plus que ce qu'on... Enfin, je sais pas, on pense que ça va... Cartonner? Je sais pas si c'est le mot cartonner, mais que ça aura, que alors, c'est plus aussi. D'accueil que ça, en ouais. Fait. Plus carton, je sais pas, enfin, je sais pas, franchement. Mais en tout cas, tu fais beaucoup de spectacles. Oui, je joue beaucoup, oui, oui. Mais c'est ça aussi le but. Ouais. C'est surtout ça le but en fait. Après le disque, c'est un prétexte, on va dire, pour se présenter. C'est une carte de visite. Et c'est ce que j'allais dire, la carte voilà, de visite. C'est ça. Donc les gens, après avoir fait un spectacle, veulent avoir la pastille. Oui, et surtout en général, ils préfèrent le spectacle que le. Ils préfèrent. Ben, moi, je suis quelqu'un de, qui suis mieux sur scène que sur un CD, quoi, c'est clair. Pourquoi? Mais parce que déjà c'est pas mon premier métier de donc chanter en studio c'est encore autre chose ouais. Que chanter moi je viens de du spectacle en fait, c'est la scène du théâtre vivant de, voilà, de c'est spectacle ça. Vivant donc le travail de mettre de faire un objet figé ouais. et définitif et presque un peu éteint. Parce que y a, même si on y met de la vie, c'est pas du spectacle vivant. Quoi. Ça l'est parce que tu vas représenter ça sur scène. Oui, mais et en plus ça aussi c'est bon, la, bon. Ah, j'ai oublié de ramener mon CD. T'as ramené mon CD. Ah, c'est pas grave, tu me fais un transfert de fichiers. Oui, oui. Pas de problème. Ah, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire sur scène on... Je sais même plus de quoi je parlais. Mais parler. Tu disais que du studio à la scène. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Ouais. C'est, pour moi, c'est deux métiers, quoi. Il y a des gens qui sont des super chanteurs de studio. Ouais, ouais. Puis ils sont pas très bons en spectacle. Voilà, oui. Ouais. Mais cet été, t'as tourné, l'été dernier, t'as tourné. Oui, beaucoup. T'as fait beaucoup de spectacles, de festivals. Oui, oui, oui. Oui. Et t'es parti loin de chez toi pendant plusieurs semaines. Allô? Oui. Alors, on n'a pas regardé. Oh, c'est vrai, on va regarder. Il faut regarder. Ouais, ce serait bien. Ça y est, ça enregistre oui, déjà? Oui, oui, ah, ben oui. Ah, d'accord. Ben oui. T'es-tu végétarienne, non? Je le fus, mais là, non. Ah, okay. Ça ne dure jamais longtemps? Aussi, ça a duré longtemps. Ah oui, et en fait, j'ai voyagé dans un pays où c'était compliqué de ne pas manger de viande parce que j'étais tout le temps invitée et je voyais que les gens, ben, j'étais rentrée chez moi et tout le monde me faisait plaisir en me ramenant de la viande. Ah. Et donc, à un moment, je vois quelqu'un qui a... donc, j'ai dit oui une fois, deux fois, trois fois et après... Eh oui, eh oui. Parce qu'en fait, oui, quand on est végétarien et qu'on mange, on aime la viande, parce que ouais, j'aime la viande en fait, et c'était okay. Vraiment pour les animaux que je faisais ça, c'était pas pour... Et ok, c'était pas pour la santé, c'était plutôt pour le bien-être de l'animal. Voilà, oui. Ouais. Et donc quand même, sentir un barbecue, ça me met l'eau ah, à la bouche. Bon. Quoi. Oui, t'as raison, c'est grave. Mais donc j'ai résisté 10 ans en fait. Et puis, oh! Bon, moi, t'as résisté. Ouais, mais je vais m'y remettre à un moment. Ouais. Ouais. Alors. C'est quand même froid. Je sais pas quoi prendre, bon. Allez, je vais prendre un... Ça m'a l'air énorme. Hein. Je me dis pièce de bœuf, ça a l'air énorme quand même. Mais... Ben, c'est ce que je prends. Oui, ou j'hésite avec le tartare. Allez. Ah oui. Allez, un tartare. Ça fait longtemps. Qu'est-ce voilà. qu'il prépare? C'est la pièce de viande? Ouais, je me demande s'il me ramène un truc comme ça. Ça ouais, va s'il va te ramener le bœuf. Ouais. Voilà, oui. Ah, c'est vrai que pièce de viande, des fois, c'est. Mais. Allez, un tartare. Oh, pièce de bœuf. Toi, tartare? Oui, allez. Okay. Et puis, mais c'est plus tranquille, là, le mois de février. Tu fais moins de spectacle? En fait, j'ai voulu en faire, même ne pas en faire du tout. Je voulais même pas en faire, en fait, parce que j'étais très fatiguée. Okay, ouais. Et tellement fatiguée que j'ai dormi 10 jours, jour et nuit. Ça, c'est quand, au retour cet été? Non, non, en février. Là, ah, en oui? fait, c'était la fin de tout ce qui était la sortie d'album, okay. les machins. Ah, le les fêtes de arrêté. Noël, ouais, tout. Ça. Et je me suis dit, en février, je ne ouais. fais rien. En janvier, je fais rien, mais j'ai pas pu. Il y avait d'autres choses. Il y avait pas forcément des spectacles. Et là, en février, je dis, je ne veux rien faire. On m'appelle pour faire des fois. Déjà. Donc, j'ai dit oui pour juste deux choses. Okay. Et j'ai dormi 10 jours. Alité, manger et coucher. Manger, même coucher. Pas. Il y a, des fois, parfois, je mangeais, mais j'ai quasi pas mangé. En fait, je me réveillais et je me rendormais épuisée. Eh bien, voyons. Voilà. C'est la première fois que ça t'arrive. Ah oui, première fois. Si, ça m'arrivait quand j'ai accouché, mais pas. Ah oui, oui, oui. Là, mais j'ai dû accoucher de quelque chose. Mais, mais en même temps, tu te rends compte que c'est beaucoup d'énergie. Pour madame aussi. Oui. Est-ce que tu t'en doutais ou. Oui, parce que en fait j'étais fatiguée déjà depuis l'année dernière. Je me disais j'ai envie de prendre des vacances. Donc en fait j'ai fait un an comme ça assez augmenté. Voilà, en étant déjà dans une période où je me disais il faut que je me repose. Ok. Ouais. Puis ça n'a pas vraiment fonctionné parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Il ne faut pas exagérer non plus. Ouais, ouais. Il sonne correctement. Mais est-ce que c'est difficile de refuser quelque chose? De refuser un contrat, de refuser un spectacle? Je me rends compte que par moments, oui. Bon, si c'est pour avec des amis, difficilement, je dis non. Ouais. En fait, je dis oui. C'est la clique, hein? Voilà. Ouais. Et après, il y a certaines choses, je dis non, oui. Enfin, voilà. Okay. C'est non. Mais tu sais aujourd'hui trier. Avant ça, tu disais oui tout le temps. Non, en fait, ah, non? Chaque chose, en fait, pour moi, je me dis, il y a un challenge. Donc, pourquoi refuser, hein, c'est ça? Voilà, dans l'idéal, c'est ça. Et après, si vraiment c'est pas possible, j'aime pas le lieu, j'aime pas la position. Mais ça, tu le sais normalement une fois que t'es là, tu peux pas. Tu le sais quand tu sais. Voilà, dis, que exactement, devant, exactement. Sauf si je l'ai su avant. Enfin, c'est rare que je. Si tu l'as déjà parce fait. Que c'est, voilà, ouais. c'est ça. C'est, ouais. c'est rare parce qu'en général, c'est toujours une nouvelle aventure. Est-ce qu'il y a des chansons que tu as faites sur ton nouveau disque que tu fais pas sur scène parce que ça s'apprête pas? Il y a des chansons que je fais pas encore parce que je les ai pas vraiment. J'ai pas trouvé la façon de les jouer sans toute l'orchestration okay. Qu'on a faite. Justement, c'est ça que j'ai oublié de dire. On l'a enregistré. Pendant le confinement. Ouais. Donc cet album-là, la différence avec le premier, c'est que je ne l'ai pas joué avant. Avec le premier, j'avais joué et après on l'a enregistré. Ah, ouais, et là, j'ai enregistré et en fait, ça n'a rien à voir ce que je joue. Et même les choses que je trouve en direct, parce que tu me disais, c'est un peu comme le live, c'est ouais. vivant, mais celui-là, j'ai l'impression que il n'y a il est pas. Plus statique. Et voilà, parce que je ne l'ai pas joué avant, donc en fait, ça a été des chansons, mais elles n'ont pas vécu. Elles n'ont pas vécu, et là maintenant, elles vivent, et je me dis, ah, j'aurais pu les faire comme ça, j'aurais ouais. pu les faire comme ci. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait une urgence de faire le disque? Il n'y avait pas une urgence de faire le disque, mais j'avais envie. J'en avais fait un premier en arrivant totalement nouvelle dans ce monde de la chanson et où j'avais été bien aidée par Luis Manresa avec qui j'ai enregistré. Je voulais en faire un moi-même, que j'arrange moi et dans un esprit plus moderne et voir ce que j'étais capable de faire sans trop me faire assister. Après, c'est lui qui est sur les machines. Je voulais être comme convaincre que je peux choisir la basse joue ça, l'accordéon joue ça, enfin voilà, faire vraiment les arrangements et tout ça. Travailler ton imagination, je pourrais te dire de belles paroles, te mentir, te faire rêver, mais ça n'apporte aucune solution. J'aimerais tant te rassurer, mais tous les jours sans compter, tu poses encore la question. Je ne peux pas te promettre plus, car je suis déjà fiancée à ma liberté. C'est dans tes bras que je me love, c'est dans tes bras que je suis bien. Je danse avec toi, c'est dans tes bras que je m'endors, c'est dans tes bras que je reviens. Je danse avec toi. Redoublé d'efforts, mais la force n'est pas une solution. Après quelques années d'efforts, je me suis lentement rendu compte que je me faisais beaucoup d'illusions. Épargnons-nous les pires instants, je nous préserve les bons moments, on privilège à notre affection. Je ne peux pas te promettre plus, car je suis déjà fiancée. C'est dans tes bras que je me love, c'est dans tes bras que je suis bien. Je danse avec toi, c'est dans tes bras que je m'endors, c'est dans tes bras que je reviens. Je danse avec toi. J'ai fait tout ce chemin juste pour te dire, je danse avec toi, je danse avec toi, je danse avec toi, toi. C'est dans tes bras que je me love, c'est dans tes bras que je suis bien. Je danse avec toi, c'est dans tes bras que je m'endors, c'est dans tes bras que je reviens. Album, tu l'as comme mis au monde toi-même, c'est toi qui l'as conçu. Je l'ai mis aussi pareil, mais en fait, comme j'explique des fois, j'ai l'impression que tout est hasard. J'ai pas de plan de carrière en fait. Le premier album, c'est. T'en veux pas ou tu refuses? C'est pas que je refuse, mais la vie se présente comme ça à moi, et puis je me rends compte qu'à chaque fois que j'essaye de trop organiser, de prendre des gens pour faire des choses précises, ça marche pas en fait. J'ai l'impression que à l'image de la vie, il faut accepter le chaos, et puis ce désordre là s'organise très bien. Et en fait, faut arrêter de vouloir des fois tout contrôler, tout maîtriser, tout vouloir organiser parfaitement. En tout cas, moi, ça me correspond pas. Mais à chaque fois que j'essaye de faire ça, ça se casse la gueule. Le chaos amène un sens. Sûrement, parce que la vie est un grand chaos organisé, les forêts, tout ça, et tout arrive à quand même vivre, on va dire, à trouver une harmonie générale, mais au détriment d'autres aussi, j'imagine. C'est vrai. Oui. Un tartare, s'il vous plaît. Yes. Ouais. Moi, je vais prendre le bœuf. Pièce de bœuf, ouais. Tu prends quoi? Tartare. Comme... Ouais, mais... Moi, de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. Pas l'eau. Non, de l'eau municipale. Okay. Moi, je vais prendre le pinot noir. Très bien. Merci. Parfait. La boisson? Bleu. Très bien. Merci. Ça aurait été même mieux. Donc, c'est ça. Tu sens que ton premier disque a été beaucoup plus, travaillé sur scène avant d'être placé. Oui. Donc, l'autre a été placé avant d'être joué sur scène. Oui. Donc, c'est là que tu vois qu'il y a peut-être de la difficulté à recréer ça comme objet acoustique. Non, c'est pour. De toute façon, le premier, même quand ça n'avait rien à voir ce qui était sur scène, mais je parle des petites choses qu'on trouve, des petites phrases qu'on modifie, des petites ambiances, on sait ça, si je le répète, ça va marcher en fait, parce que ça marche en live. Il y a plein de petits trucs comme ça qui ont l'air de ne pas exister dans le disque, mais qui le rendent vivant parce que c'est des choses expérimentées en live. Alors que là, en fait, les chansons, elles sont. J'ai pas eu le temps de trouver ces petites, même une phrase, même un son, même... Pourquoi il y avait une urgence? Tu voulais faire un album de l'urgence? Ben, en fait, il n'y avait pas d'urgence, mais pendant le confinement, en fait, c'était l'expérience que je voulais faire, que je voulais tenter. Et donc, je me dis, je tente mes expériences, en fait. Il n'y a pas d'enjeu, ce n'est que ma vie. Ouais. Voilà, ça marche, ça marche pas. Mais le prochain, on fera un mélange des deux. Mais sur scène, est-ce que tu fais des chansons qui sont sur aucun de tes deux disques pour les préparer, pour les... Pas encore, mais j'ai l'impression de sortir juste de la promo et même d'y être encore. Pas encore eu le temps de commencer à envisager. J'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Faut que je digère déjà cet album là qui était encore très chargé en énergie, très chargé en investissement, travail et aussi qui s'appelle Les Anges, comme je disais, pas pour rien, donc qui était un album qui m'a beaucoup on va dire valu en émotion. Oui, mais la pochette est extraordinaire aussi. Oui. Elle a été travaillée par ta fille, c'est ça? Oui. Ça n'a pas changé? Oui, elle ne veut pas que je dise, elle va me gronder. OK, bon. Parce que c'est une artiste à part entière. Ah oui, OK, OK. Elle ne veut pas que ce soit associé à la main. Voilà, oui. Ah, c'est et vrai, c'est okay, pas c'est pour vrai. Ça que je l'ai pris, non, c'est okay, parce qu'elle okay. est vraiment très compétente. Et même okay. la première pochette, donc c'est l'artiste qui s'appelle Ella Le Guillerme qui l'a faite. Et elle a fait la première et la deuxième aussi. OK. Voilà. Et là, l'idée, c'était de jouer sur le côté ange et démon. Ouais. Voilà, tout ce qu'on peut avoir aussi, le bien et le mal en nous. Exactement, qu'il faut faire avec, hein, pas vouloir être beau à tout prix, ouais. pas vouloir être le plus gentil, le plus mignon, le plus pour se montrer de notre meilleur jour et après c'est dévoiler ça. Le reste c'est ça. Un peu plus machiavélique. C'est ça. Ouais. Mais j'aimerais aussi que tu nous racontes... ton enfance, parce que ta mère, quand t'es venue au monde... Non, tu veux pas? OK. On l'a déjà fait, c'est pour ça que j'aurais voulu. Ah oui, okay. mais je, okay. j'ai regretté, en fait. OK, tu voulais pas? Non. OK, parfait. J'ai regretté de t'avoir dévoilé autant. Voilà, c'est okay. ça. OK. OK. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la chanson depuis ton pays jusqu'à ici? Je pense que de manière générale, à l'art, il y a quelque chose qui m'attire, que je ne peux pas expliquer et qui est comme ça. C'est comme ça. Et je peux, depuis petite, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose où je suis sur scène et je donne du bonheur aux gens. Okay. Alors ça a commencé par la danse. Après, j'ai travaillé dans le cirque, des compagnies de théâtre, ouais. pour finalement arriver à la chanson. Et pour moi, c'est vraiment l'outil, on va dire, ou le médium final, parce que J'ai l'impression que ça, je peux le faire. Vous me dites, tant que j'ai une voix et un peu d'énergie, danser, j'ai l'impression d'avoir exploré physiquement plein de choses qui, avec, en vieillissant, font que bon, ben, on va peut-être se calmer, je ne vais pas faire d'acrobatie toute ma vie. Danser, je peux danser aussi très longtemps. Mais tu as appris à danser la claquette aussi. Oui, je suis danseuse de claquette. Oui, oui. Ouais. Et donc voilà, je continue à danser les claquettes, j'enseigne même en ce moment. Okay. Et ça me passionne. Et ça fait partie des choses que j'aime faire. Par exemple, j'adore transmettre. Okay. Quand je donne mes cours, je suis ravie. Je suis ravie parce que j'ai l'impression de réveiller chez les gens même plus qu'ils n'espéraient. Pour moi, l'enseignement, c'est la restitution. En fait, on arrive à un moment où il faut rendre ce que la vie nous a donné. En fait, on a accumulé. Et à un moment, on arrive au moment où il faut dire merci et regarder. Je suis en mesure de vous offrir ça pour la suite. Et j'ai commencé à enseigner très tôt. Et j'avais pas autant d'expérience qu'aujourd'hui. Et là, le fait d'avoir été danseuse de claquettes, acrobate, bosser avec les chevaux en voltige, travailler l'accordéon, chanter, ça fait que j'ai l'impression d'explorer mon corps de tous les côtés. Donc mes cours de claquettes ne sont pas des cours où je focalise sur un pas. Je débloque en fait les... Tu montres le côté global de la chose. Je montre une choré ou une petite routine, mais on va pas. Pendant le cours, je ne vais pas être là à dire refais ça. Je vais détendre la personne. Ah, je vais dire fais attention à tes dents, fais attention, voilà, relâche les épaules. Je vais travailler sur tout l'ensemble du corps et mon travail, c'est d'enlever les nœuds, de dénouer. Ah, ouais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est avec plein de nœuds. En fait, la vie, pas aujourd'hui, la vie. On arrive, un bébé, il est tout frais, il y a zéro nœud. Et puis finalement, on passe notre temps à se nouer. Et on fait des activités pour espérer se détendre. Et puis, et je me rends compte que dans les cours que je donne, ça fait partie 50%. Et de dire aux gens comment ils doivent se dénouer. En fait, 50% c'est ça, parce que sinon je ne peux pas te transmettre en fait. Et donc c'est beaucoup ça, parce qu'on arrive du travail, on vient faire direct une activité, on n'a pas eu de sas, et donc déjà je fais une espèce de sas avant de démarrer le cours pour qu'il puisse prendre un petit peu, enfin même le maximum en peu de temps. Tu veux qu'ils s'amusent aussi. Que ce soit trop didactique. T'étais pas là pour leur faire des danseurs, des Fred Astaire, t'es là pour Et pourquoi pas? Et je dis, on peut être des très bons danseurs amateurs, mais il y a toute cette partie-là qu'il ne faut pas négliger, est vraiment 50%, même pour moi, voire 60-70% du boulot, la technique, c'est que des exercices bêtes et répétitifs. Okay. Pour moi, c'est ça la technique. Et tout le reste, c'est vraiment aimer ce qu'on comprendre et aimer ce qu'on fait. Ouais. Et la technique, c'est je te montre un exercice, au bout d'un moment, tu le répètes 100 fois, 1000 fois, 3000, en fonction de tes besoins, tu vas y arriver, ça c'est clair. Quand tu te couches, je me lève. Ça tiraille, ça tiraille. Eh oui. Ça tiraille de tous les côtés. C'est ça. Ça tiraille, ça tiraille. Ça tiraille de tous les côtés. du sel, toi tu veux du sucre. Quand tu as faim, moi j'ai soif. Quand j'ai faim, tu es rassasié. Et quand j'aime, tu n'aimes pas. Ça grignote, ouh, ça grignote de tous les côtés. Ça grignote, ça grignote de tous les côtés. Faut pas me manger, oh non, faut pas me manger, oh non, faut pas me manger, oh non, faut pas me manger, oh non, faut pas me manger, oh non, faut pas me manger, oh non, faut pas me manger, oh non, faut pas me manger, oh non. En même temps, il y en a qui sont pas doués, il faut quand même leur dire, non? Je vois pas ça comme ça. Je pense que tout le monde est doué comme tout le monde. Après, tout le monde est plus ou moins sa branche, parce que quand on regarde, et tu me demandes pourquoi je fais ça, parce que pour moi, c'est spirituel. Ouais. Pourquoi c'est spirituel? Parce que c'est la seule chose que tout le monde fait dans le monde entier. Avant de marcher, on danse. Avant de parler, on chante. Avant d'écrire, on dessine. Donc tout le monde est artiste. Tout le monde est artiste. Tous les bébés. Et je sais pas. Enfin, je sais. On commence à éduquer les gens, à leur dire ton dessin est moche, tu chantes mal, ouais. Tiens-toi comme ça, marche comme si, tu sais pas danser, t'as pas le sens du rythme. Mais on est plus permissif quand c'est des enfants, quand on est adulte, il y a quand même une pression. Mais dès l'école, on commence à vouloir les orienter dans quelque chose de précieux au lieu de les laisser. Ouais, par exemple, voilà, alors nous, souvent, venant d'Afrique, on nous dit « vous avez le sens du rythme ouais. ». On n'a pas plus ou moins le sens du rythme, c'est que nos parents nous font mettre… Déjà, souvent, on avait une éducation, on rentrait peut-être moins tôt à l'école, peut-être, hein, à l'époque, aujourd'hui, c'est comme tout le monde pareil. Ouais. Et aussi, on n'a pas des comptines pour enfants spéciales pour nous. On écoute la musique que tout le monde écoute. Quand il y a des fêtes, on danse avec tout le monde. On n'est pas dans notre petit coin. Puis on écoute le compteur, on écoute voilà. Celui qui transmet. Voilà, on est à l'intérieur de la culture. On n'a pas une culture des enfants, une culture des ados, une culture des adultes. On n'a pas catalogué. Voilà, et en fait, c'est ça qui fait qu'on ne décroche jamais de l'origine et du rythme et de la musique. C'est pas plus qu'on a le rythme. Non. Et quand on va dans les cultures peut-être amérindiennes où c'est pareil, on voit pas des gens qui sont, sauf quand ils sont rentrés dans le monde moderne et qu'ils ont quitté. Ou peut-être le monde des Blancs. Peut-être aussi, alors je sais pas, il n'y a pas tous les Blancs qui vivent comme ça. La majorité. Hein. C'est possible, c'est possible. Ouais, c'est ça qui... Oui, donc le maître, non c'est pas, je veux pas le maître. Merci. Ça te dérange pas, je peux poser le pain. Ah, il y a quelqu'un? Merci. Ah, c'est eux. Ah, d'accord. Ils ont deux tables. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Oui, d'accord. C'est pour ça. Bon. Nous, on a juste le droit à ça. Voilà, ouais, je comprends. Avec deux pas. Micros. Voilà, ouais. Je comprends pas la logique. Ouais, mais il n'y en a pas de logique, il ne faut pas changer. Bon appétit. Merci. Ça a l'air bien. Oui, oui. Et. Oui, on revient, oui. Et donc, voilà, et c'est ce côté-là spirituel qui m'intéresse parce que j'ai l'impression que c'est l'endroit où on est tous connectés. Mmh. On n'a pas besoin de parler la même langue si. On peut transmettre une émotion, un bonheur, on écoute un artiste, on ne comprend pas ce qu'il dit, on sait si c'est nostalgique, si c'est joyeux, si c'est rigolo, tout de suite. Il n'y a pas besoin de parler la même langue en fait. C'est un langage universel et c'est en ce sens que je dis c'est spirituel parce que... on est tous branchés au même réseau. Voilà, et en faisant ça, j'ai vraiment l'impression d'être à ma juste place et faire mon travail d'humain et de dire on est pareil. Mais je sens aussi dans tout ça le fait important de transmettre, la transmission. Mais pas forcément que la transmission de la musique, parce que c'est la transmission des paroles. Non, mais la transmission de tout, là, la transmission de la vie. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est plus important, c'est qu'on écoute mes textes. Ah ben oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça, la transmission. Et les gens comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre aussi. C'est pas, ben là, pas une compréhension, il y a de multiples compréhensions. Oui, mais quand même, c'est assez clair. En général, c'est assez clair ce que... Ouais. Contrairement justement aux chorégraphies où on peut partir un peu partout, s'éparpiller plus et planer, être complètement à côté de la plaque. Ah ouais. Avec un texte. C'est plus précis, c'est plus concis, c'est plus arrêté. C'est pour ça, je pense, que j'ai choisi aussi de chanter. Et surtout, j'ai l'impression vraiment de prier, quoi. Mais pas de... Les gens pensent toujours... On n'ose plus dire des choses comme ça ou de méditer. Okay, voilà, ouais. Parce que tellement la religion a une mauvaise réputation, on n'ose plus dire parler spiritualité tout de suite, on va te cataloguer dans quelque chose. Un créneau. Voilà, alors que... enfin, en tout cas, c'est pas mon cas. Non, mais c'est pas mon cas. La vie et spiritualité aussi. C'est ça, pour moi, oui. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Ben, comme tu dis, on octroie ça souvent à la religion. Voilà. Mais c'est pas juste la religion, c'est une façon de vivre. Mmh. Oui, oui. Puis que tu sois bouddhiste, chrétien, ou peu importe, oui. Il y a toujours le même noyau d'être humaniste là-dedans. Mmh. Je suis rien d'aucun, vraiment. Mais ou tout, j'en sais rien. Je sais pas. Ou plutôt que d'être rien, je suis rien ou un peu tout ça. L'ensemble d'un tout. Voilà, c'est ça. L'union d'un ensemble. C'est ça. Parce que je crois en plein de petites choses de chacun, mais pas en une chose précise où je ne suis pas focalisée. Oui, c'est ça que je veux. En fait, tu prends ce que tu veux dans chaque personne. Exactement. Ouais. J'ai compris ça il n'y a pas très longtemps. Et comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé à ça? À ce constat-là? Peut-être parce que je peux être quelqu'un qui peut être assez... il pouvait même être avant assez dans des choses exclusives. Et en fait, on se fait mal en étant comme ça. Oui, oui. Et on se blesse souvent de nos... Mais oui, on se blesse parce qu'on ne peut pas exiger ou attendre l'exclusivité en permanence. Mmh. Mmh. C'est sûr. Mmh. Il y a des choix aussi. Mmh. Il y a des choix. Chacun a sa vie, donc espérer l'exclusivité de quelqu'un ou de quelque chose, c'est difficile. C'est se blesser directement, parce qu'à un moment donné, on va être déçu, c'est clair. Et donc, c'est attendre, c'est avoir des attentes, c'est tout ça. Mais selon moi, oui. dans un prisme amoureux, un prisme de désir, il y en a toujours un qui désire ou qui aime plus que l'autre. Mm-hmm. Et c'est ça qui est blessant souvent. Je pense qu'en fait, on ne s'est pas aimé, c'est surtout ça. Ouais. Mais ça s'apprend pas non plus. Ça, c'est dommage parce que bon, après moi je l'ai appris je crois que la vie aussi nous sert à ça, à apprendre à aimer. En fait, justement, on pense souvent les gens, je vois les gens parler de l'amour sans condition. Ça me fait rire. De là? L'amour sans condition. Oui. Je connais pas ça en fait. L'amour, c'est qu'avec des conditions. Ben oui, Donc, mais en même temps, les gens veulent pas. S'abandonner, ils ne veulent pas non plus être exclusifs à quelqu'un. Mm-hmm. Alors c'est comme si c'était du libertinage. Tu comprends? De ne pas être exclusif. Hein? C'est ça, exactement. De se consacrer, oui, à toi, mais aussi à d'autres. Alors moi, je ne parlais pas forcément de la partie érotique en fait. Tu parlais de la part sentimentale déjà. Oui. Non, parce que tu parles de libertinage, donc je me dis. Non. D'accord. Je veux dire simplement que aujourd'hui on a peur de s'inclure dans une exclusivité. On a peur Et en même temps, je comprends. Je comprends parce qu'on n'est plus dans la même époque, dans le même monde, on n'a plus foi en un avenir et une planète mignonne et parfaite et où on va avoir qui va continuer à nous gâter vu qu'on l'a vu qu'on la maltraite. Voilà, oui, donc. Tu es là, j'ai l'impression que tu es ailleurs. Ici, là ou ailleurs. Y'a rien qui me fasse tant de douleur. Si ce n'est que quand tu es là, j'ai l'impression que tu es ailleurs. Ici, là ou ailleurs. Ici, là ou ailleurs. Ici, là ou ailleurs. Ici, là ou ailleurs. Oh, ici, là ou ailleurs. Ici, là ou ailleurs. Ici, là ou ailleurs. Ici, là ou ailleurs. C'est ici maintenant que ça se passe. Y'aura pas de rediffusion, non. Sors de ta confusion avant. Que ça ne nous dépasse. Que ça ne nous dépasse. Que ça ne nous dépasse. Les gens ne veulent plus d'enfants, les gens ne veulent plus. Non, parce que les gens veulent tout faire, mais sans faire d'efforts. Ils veulent faire des enfants, mais sans trop s'en occuper. Ils veulent travailler, mais avoir plus d'argent. Donc, on est toujours dans le fait de avoir, mais sans prendre les responsabilités qui doivent s'accompagner avec ça. Tu comprends, si tu as un enfant, tu dois dire, ben. Je dois laisser certaines choses pour me focaliser sur mon enfant. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est pas ça. On fait un enfant, puis après ça, on veut le placer dans un centre où il y a plusieurs enfants, histoire de socialiser. Mais avant, on restait avec la mère. Oui, ben peut-être après, moi, je me dis. En fait, je vois pas trop ça comme ça par rapport à avoir un enfant ou le placer ou le. Et j'ai l'impression que simplement c'est la société qui fait que les gens n'ont plus confiance à l'avenir et pas forcément que ça même l'histoire de placer les enfants c'est un détail, c'est en fait c'est par rapport à tout ce qui se passe déjà autour, j'ai l'impression que ça c'est Déjà, ils vont pas faire d'enfants parce que ben aujourd'hui on force les vaccins. Enfin voilà, c'est tous ces trucs là. On te force justement à mettre ton enfant à l'école maintenant. Ben c'est oui. obligé. Ben mais oui. c'est pas eux qui, non. pas forcément. Si et puis quand si tu veux le garder, qu'est-ce qui est mis en place pour t'aider aussi. Je veux dire, en fait c'est surtout ça. Et puis aussi il y a des mamans qui sont épuisées et qui ont besoin de soulagement. Il y a rien. Il y a rien pour elles. Et si t'as pas papa, maman ou la famille autour, ben t'es totalement isolé avec ton gamin. Mais en même temps, c'est un couple ou c'est un enfant, c'est pas juste la mère. Exactement, mais on n'en est pas arrivé à cet équilibre-là encore homme-femme dans le monde, quoi. Oh non, non, puis malheureusement, le constat va toujours rester le même. L'inégalité va toujours être là, même si c'est ça, ouais. on mise sur l'égalité. On est loin de ça. Depuis les années 70, même avant, il y a des combats, mais ces combats-là, c'est toujours à refaire à chaque jour, comme si on venait de le découvrir là, à cet instant précis. Donc, on peut appeler ça un cercle vicieux, parce que... Ouais. À un moment donné, c'est chacun d'entre nous. C'est nous qui devons prendre position et travailler sur ce sujet-là, et non pas la société en général. Si nous, on se transforme, la société va se transformer. Oui, mais... Il faut voir ça du niveau personnel. C'est vrai. Mais on vient pas de... En fait... J'ai l'impression que ça, c'est un regard, ça serait le rêve. Mais comme on n'a pas tous la même histoire, tous la même rêve. Culture, les mêmes rêves, et donc en fait, ça ne marche pas. Et c'est tellement facile de nous diviser. Ça prouve que c'est... on est là, je pensais. Cet animal a la forme phallique. Moi je sais pourquoi dès que j'en vois un, je panique. Ce n'est rien de religieux ou tous ces trucs bibliques. Ça n'a rien de sexuel, je n'ai rien contre la trique. Mais va juste faire un petit tour en Afrique ou au fin fond des forêts, des tropiques. C'est le genre de bestiole qui s'y frotte, s'y pique. Et je vois pas trop comment elle communique. Avec sa langue fourchue, je n'ai pas trop d'accroche. Je n'ai juste pas envie qu'il se rapproche. Mais enfin quoi, qu'est-ce que je lui reproche? D'être aussi trouillard que moi, ça c'est moche. D'être aussi trouillard que moi, ça c'est moche. D'être aussi trouillard que moi, ça c'est moche. Moi qui croyais qu'à la ville j'étais à l'abri. Mais même jusqu'ici on croise des reptiles à la langue fourchue, au venin assassin, qui répandent leur poison, ça y en a à foison. Fils du poison, ça y en a à foison. Qui répandent leur poison, ça y en a, oui. Fils du poison. Le serpent, le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. À choisir, j'en aime aucun. Puis d'ailleurs, je vais pas en faire une thérapie. Si j'aime pas cette bestiole, alors tant pis. Moi, je sais que dès que j'en vois un, je déguerpis. Dès que j'en vois un, je déguerpis. Dès que j'en vois un, je déguerpis. Dès que j'en vois un, je déguerpis. En arrivant, je me disais, bon, comment faire en sorte de me débarrasser de cette voiture-là et de plus être dans. Mais je pensais, je me disais, ben les gens, ils préfèrent, quand c'est les pénuries d'essence, aller remplir des bidons d'essence, plutôt que de... Non, que même de s'impliquer pour que ces lois-là ne changent encore plus. Et donc, et quand tu vois les queues, les bagarres, enfin, je me dis, c'est sûrement pas les mêmes personnes qui font ça aussi, mais après, on voit. Et en même temps, quand je dis ça, et je change encore de point de vue quand je me mets à la place encore en me disant, ben, je comprends, mais je comprends en même temps, mais tout ça, ça sert à rien parce qu'au final, ça ne fait que s'accrocher à quelque chose qui est en train déjà de te filer sous les doigts parce que soit on ne sait pas se battre, soit c'est perdu d'avance et on ne sait pas comment y arriver et on ne sait pas comment mettre encore plus la pression pour que les choses changent et peut-être pas changer justement avec... on a sûrement tort aussi de rouler comme ça. Donc, et je fais partie de ces gens qui roulent, quoi. Donc, tous les jours, on culpabilise de quelque chose, c'est... Ouais, mais en même temps, si c'est pas ça, ça va être autre chose. Mm-hmm. Si c'est pas ça, ça va être autre chose. Tu vas être coupable de dire, oh, je mange de la viande, je suis coupable parce que... Oui. J'ai une voiture, je suis coupable parce que... Ouais. C'est la société dans laquelle on vit, donc je peux comprendre que les jeunes ne veulent plus avoir d'enfants, c'est clair. Ouais. Parce que tout est culpabilité. Ouais. Ouais. Mais en même temps, comme je te disais, un enfant, c'est une fois que tu l'as mis au monde, c'est de s'en occuper. Puis les gens ont trop de choses à faire que de s'occuper de leur enfant. Non, mais moi, je vois, j'entends les jeunes, je ne ramène pas l'enfant dans un monde pareil. Mmh. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Et j'écoutais, c'est Edouard Baird qui disait... Très bien, hein? Oui, il disait, la chose qui est étrange, c'est que quand on grandit, quand on est petit, on pense qu'on va grandir dans le monde dans lequel on a vécu. Oui. Mais c'est pas non. du tout le même. Non. Donc nous, aujourd'hui, moi, quand j'ai voulu avoir un enfant, je pensais qu'il vivrait dans mon monde. Mais déjà, moi, je n'ai même pas grandi dans le monde. Ouais, c'est ça. Je suis adulte dans un autre monde. Et lui, ça... J'espère que ça sera mieux, hein. Franchement, j'espère. C'est la seule chose que je peux dire, mais je ne sais pas comment ça peut mieux se passer, mais j'espère. Écoute, ça dépend aussi de la façon dont tu l'élèves, de la façon dont tu lui fais voir la vie. Oui, bien sûr. Non, je parle du monde, je ne parle pas en général, de... ouais. Oui, oui. Je ne parle pas de mon enfant. Oui, le monde, c'est non, mais moi, je ne sais pas. Mon enfant et moi, nous sommes une poussière, hein. C'est une poussière dans le monde. Oui. Effectivement, c'est vrai, mais... Est-ce que tu veux prendre ces sujets-là pour les mettre en chanson? Ça pourrait être des sujets. Oui, j'aime bien parler de sujets existentiels. Mmh. Mais oui, c'est important. Ça touche tout le monde. Il y a tellement de sujets. Oui, oui. C'est vrai. As-tu des retours quand tu fais des spectacles, les gens viennent te voir souvent, c'est ce qu'on disait en juillet. Il y a beaucoup de personnes qui te disent « Ah, cette chanson-là, là, ça vient me chercher, ça raconte mon histoire. » Oui, en fait, ce qu'ils me disent de manière générale, c'est que tu nous emmènes à un rendez-vous avec nous-mêmes. Voilà. C'est bon, l'idée est belle. L'idée est très, très, très, très, très, très, très belle. Oui, oui, parce que les gens pensent, en fait, qu'ils vont faire un... Je les emmène dans un voyage extérieur en apparence, mais en fait, ils vont vraiment à l'intérieur. Ouais. Et en fait, j'utilise des petites astuces pour les faire rentrer dans eux. Voilà. Et en fait, c'est ça le travail, c'est quand je fais des concerts, c'est pas des concerts, à la fin, il y a un côté où on va danser et tout ça, mais il y a toute une partie où on va vraiment, où les gens vont être silencieux et à l'écoute, et je m'en rends compte à un moment donné, je vois qu'ils partent dans leurs songes, et là, je sais que j'ai... Et c'est beau, hein? Oui, au départ, ça me perturbait parce que je me disais, mais ils n'aiment pas. Et en fait, c'est dans ce sens que je dis, j'ai l'impression de prier, en fait. Ouais. C'est parce que ce sont des concerts où vraiment on va rentrer. comme on dit chez nous, le, en dedans. Oui, on oui. est dedans. À l'intérieur de soi. Voilà, oui. Et ça, tu l'as vu dès ton premier spectacle, que les gens étaient comme... Non. Ben déjà, comme je te disais, c'était pas mon métier de base, donc j'ai dû apprendre à maîtriser mes outils. Et mieux je les maîtrise, et mieux j'y arrive, et plus rapidement. Ouais. Mais mon premier spectacle, il y a presque 10 ans, c'était pas... Les gens me disaient, en fait, tu as des beaux textes, tu as trouvé ton truc, on sent que tu as trouvé ton truc, continue. Voilà. Les retours que j'avais, en sachant que j'arrivais un peu dans un chaotique. Oui, oui. En même temps, c'est l'apprentissage. Mmh. Mmh. C'est un chemin qu'on doit emprunter un jour ou l'autre pour commencer. Oui. Et je suis heureuse de pouvoir déjà d'avoir pu explorer plusieurs métiers. Ouais. D'avoir. J'ai donné, mais j'ai reçu, j'ai l'impression, tellement plus que ce que j'ai donné en fait en faisant de la scène. Et en faisant de la scène, j'ai reçu tellement plus. Et j'ai c'est nourrissant. Hein. Ah oui, c'est nourrissant et j'ai l'impression que ça fait partie de mon éducation. En fait, on s'éduque parce que on se sculpte par rapport aussi à l'écoute et au regard des autres. Au retour, même si on apporte quelque chose, mais en fait, le fait qu'ils nous emmènent leur retour, parce que nous, quand on arrive, on a un peu. C'est ça, je me vois un peu comme une eau. Comme ça, et le fait qu'ils me donnent leur retour, c'est comme s'ils sculptaient cette chose que moi je donne comme ça sans m'en rendre compte en fait. C'est peut-être ça aussi qu'au bout du compte est épuisant, c'est ça qui est épuisant pour toi. C'est de donner, tu reçois, oui, mais tu donnes beaucoup plus. Je sais pas, mais je donne. Je suis pas comme les comédiens que j'arrive, qui arrivent et qui font 3-4, on y est. Ah ouais. Et quand on fait le truc, quand on fait le boulot en étant en prière, c'est une concentration. Après, il y a des gens qui arrivent et hop, ils sont là, ouais. Pas, puis c'est fini, c'est plié, ils rentrent, ils rigolent, ils jouent. Ouais. J'adorais, hein, ouais. je ne sais pas. Fala wabe wono wali farine ton rafa wono wali sa mbara fara fala wabe wono wali wono wali wono wali wono wali wono wali wono wali wono wali wono wali wono wali wono wali wono wali wono wali wono wali